Cette semaine, au Undead Incorporated Show Réanimation, nous retournerons à une programmation presque normale. C'est-à-dire que je pratiquerai sur vous des expériences psychologiques et neurologiques expérimentales qui se transmettront par l'entremise de signaux sonores intenses, provocateurs, troublants et par moments violents. Ces signaux sonores et audibles, par la moyenne des gens qui possèdent une ouïe dite normale, portent le nom de musique. Mais pas n'importe laquelle. Du death metal! Et pour conclure le tout, je vous ramasserai à la petite cuillère, placerai vos restants de carcasses dans un petit sac plastique et offrirai un copieux buffet à mes zombies. Qui ne risquent pas d'être contaminés par le gène de la connerie et de l'incultisme, puisqu'ils sont déjà passablement stupides. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il croit dur comme fer qu'il doit combattre le feu par le feu, donc la stupidité par la stupidité. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear. Is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Go! Hey, this is Jeff Bub from Jungle Rot, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Destroy, no forget. day. No one left to kill. So be on me, pal. Leave us in this town. You acknowledge you're dead. We'll be right back. C'est fou, 89.1. Le vendredi 10 octobre, 20h, le Café Bar Le Nord-Ouest veut vous faire rocker avec Fractal Cypher, anciennement connu sous le nom de Far From Reality, et son métal progressif efficace. En première partie, Wisdom. 6$ à la porte, plusieurs spéciaux sur la 50. Pour une soirée progressive et intense, rendez-vous le 10 octobre prochain au Nord-Ouest Café. Jeudi matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de C'est Fou. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Fou de spectacle. C'est fou, 89.1. Je vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 7 octobre de l'Enlevé Discasse 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement et ce jusqu'à 21h. Comme je l'ai dit en ouverture d'émission, en présentation, il n'y a pas de, justement, de présentation spéciale ce soir. Il n'y a pas de présentation d'album, il n'y a pas de bloc spécial. C'est une émission dite toute régulière. Ce qui arrive de moins en moins fréquemment, je dois l'avouer. Avant cette pause publicitaire, premier bloc d'ouverture qui était constitué de ce qui suit. Une pièce tirée du dernier album de Cannibal Corpse. La pièce étant The Murderous Pact que l'on retrouve sur A Skeletal Domain, qui est paru il y a quelques semaines sur Metal Blade. C'est un très bon album pour Cannibal Corpse. C'est un très bon album aussi de death metal, un peu plus traditionnel, pour ainsi dire. Jungle Rot, auparavant, est la pièce Pronounced Dead, qui est la pièce de clôture de leur dernière parution aussi, Terror Regime, qui est paru en 2013 sur Victory Records. Ball Thrower, leur dernière parution aussi, Those Bonds Loyal, la pièce When Cannons Fade. Mais je dois dire, comme je le disais tous les fois, leur dernière parution, mais qui date quand même de 2005. Ça va faire 10 ans bientôt, là. Come on, guys. Il serait peut-être temps de retourner en studio ou de le faire dans votre sous-sol, je ne sais pas, mais on aurait besoin d'autres matériels. Sur l'étiquette Metal Blade, on a ouvert avec la formation. Ah, ça, c'est particulier. Hackerun, formation qui, à elle seule, représente trois États américains, soit la Floride, la Pennsylvanie et l'Ohio. Puisqu'ils étaient initialement de Tampa, par la suite de Pittsburgh et maintenant de Columbus. Bon, peut-être qu'ils payaient pas leur loyer, qu'ils devaient déménager régulièrement, mais ils auraient pu comprendre qu'ils étaient pas obligés de changer d'état chaque fois. Bref, c'est pas grave. Hackerun, une pièce d'ouverture de leur dernière parution, eux autres également, soit Diamond and Lux, qu'on retrouve sur Cold Death Access, qui est paru en 2014, bien sûr, sur Listenable Records. C'est un bon album pour Hackerun, qui est une formation qui, somme toute, demeure quand même assez underdog, là, si on veut, parce que c'est pas un des gros noms musicaux dans le métal, mais ils ont des choses assez intéressantes. Généralement, c'est des albums qui sont assez conceptuels. et Called des Asses, qui est paru un peu plus tôt cette année, soit en février, à la fin février, est un des bons qu'ils ont fait sur une dizaine de parutions. Exactement, je voudrais que je valide, là, mais je crois que ce sera à peu près une dizaine de parutions d'albums complets studio. Ce soir, j'aurai évidemment aussi une chronique musicale très maigrichonne, puisque je ne parlerai que d'un seul album. Et une chronique cinéma qui est un petit peu mieux garnie, mais qui quand même n'a pas eu, mis à part quelques... un titre, n'aura pas eu quand même mes faveurs en pointage majoritairement. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est juste ça. Puis, je vais conclure ainsi avec les taux du faire foot parce que il doit y avoir quelque chose de bon à la télé présentement. Mais c'est une blague. On va continuer musicalement avec, encore, je l'ai dit, c'était majoritairement du death metal ou en fait ce qui s'en rapproche. On va avoir un petit peu de trash, mais à forte tendance death aussi. On va continuer avec ce deuxième bloc qui va être constitué d'une formation canadienne que j'ai découvert un peu plus tôt cette année, que j'ai bien aimé, puis ça s'appelle Gardening, formation des Pays-Bas, en fait, des formations des Pays-Bas. Legend of the Damned, entre autres, Vomitory. Mais allons-y tout de suite avec Asphyx et une pièce qui porte le titre de Minefield que l'on retrouve sur leur dernière parution de 2012, Death Hammer. Go!

Il existe 5 règles d'or pour favoriser une bonne conciliation études-travail. Pour les découvrir, visitez le soyonscompères.com. Un horaire équilibré, c'est sensé. Chaque lundi soir, 19h, Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le Voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les bonnets rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. 20h02 et vous êtes toujours à l'écoute du Undead Incorporated Show Réanimation avec moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Pain Pendragon. Avant cette pause publicitaire, on a entendu 4 pièces tirées de 4 formations, tous distinctes, du moins j'espère. Formation canadienne qui vient de Winnipeg, Psychotic Gardening et la pièce Origin of the Infection. C'est la pièce d'ouverture de leur dernière parution parue en mai dernier, soit Hypnosis, qui est un album indépendant. Où j'ai trouvé cet album, en fait, c'est une des découvertes que, grâce à Asher Music d'ailleurs, que j'ai faite cette année. Il rentrera certainement dans mon top, peut-être même top 10 d'ici la fin de l'année. Legion of the Damned auparavant, avec une pièce tirée de la dernière parution, Ravenous Plague étant l'album, la pièce étant Ravenous Abominations. C'est paru en 2014 sur Napalm Records. C'est un des bons albums de Legion of the Damned, malgré le fait que maintenant, c'est un nouveau guitariste qui apporte son propre style au niveau de la composition. Ça fait légèrement différent, mais il reste qu'on retrouve quand même énormément l'essence même de cette formation des Pays-Bas. Vomitory, juste avant, et la pièce Great Deceiver, qui est une pièce qu'on retrouve sur l'album Carnage Euphoria, qui est paru en 2009 sur Metal Blade. Vomitory qui n'existe plus, qui ont mis terme à leurs activités l'an dernier pour je ne sais quelle raison. Et nous avons ouvert avec une autre formation des Pays-Bas, soit Asphyx, et la pièce Mindfield, que l'on retrouve sur la dernière parution, dernier album, Death Hammer, paru en 2012 sur Century Media, dans lequel on retrouve le vocal que j'aime énormément, celui de Martin Van Droden, et qui on retrouve aussi au sein de Great Blood, c'est incroyable, hein? Faut que je le trouve tout de suite, là. Ça n'a pas de bon sens. Au risque d'avoir l'air un imbécile, je vais avoir l'air jusqu'au bout, mais je vais corriger le tir. Je vais y arriver. Martin Van Dronen joue aussi dans Grand Supreme Blood Court, voilà. Et bien sûr, dans Hail of Bullets, bien sûr. Il a fait une courte apparition dans Grave en 91. Bon. Ceci étant dit, je disais que j'avais une très maigrichonne chronique musicale cette semaine, et c'est effectivement le cas. Elle est très mince, et elle n'est pas bonne. J'ai fait un test, j'ai essayé d'après ce que j'avais pu lire sur cette formation qui vient des États-Unis, soit White Empress, qui soi-disant donnait dans un dark symphonic metal. Je me suis dit, peut-être que ça peut être intéressant. Non, ça l'est pas. Premièrement, c'est un vocal féminin, ce avec quoi j'ai relativement difficulté dans le milieu du métal. Une chanteuse du nom de Mary Zimmer, qui se fait aussi nommer White Empress, d'où le nom de la formation. Je trouve ça un petit peu prétentieux, personnellement. Mais c'est très loin du Dark Symphonic Metal. Même certains sites les qualifient de Death Symphonic Metal. C'est des allumières du Death Metal. Je dirais même qu'à la rigueur, ça frise par moments le Power Metal. Je trouve ça très mauvais. La production est bonne, par exemple. J'ai accordé un 2 sur 10 parce que la production est quand même assez bonne, je dois dire. La présentation graphique est assez ordinaire. Le contenu l'est encore plus. Donc, personnellement, je vous conseillerais pas de vous attarder à ça, mais est-ce que je vais vous donner des mauvais conseils? Oui, effectivement. Bref, c'est la seule et unique chose que je voulais chroniquer, oui, au niveau musical cette semaine, parce que le reste, ça m'a pas vraiment intéressé. Côté spectacle, Brave Concert International, Brave Concert International, BCI, présente le vendredi 10 octobre. C'est ce vendredi, ça. Au Théâtre Corona, dès 19h, les formations The Side, Septic Flesh, Abyss Meltdown et Karak Angren. Comme je le disais, c'était dès 19h au coût de 25$ et 30$ taxes inclus. C'était la billetterie du Théâtre Corona. Et d'ailleurs, Abyss Meltdown devrait nous, si les choses n'ont pas changé, nous sortir un nouvel album qui portera le titre de Obsolence le 24 octobre prochain. Aussi, dans les concerts présentés par BCI, Elvite, en compagnie de Tear et Metzatol, c'est samedi le 18 octobre prochain à 20h au Théâtre Corona également, au coût de 25$ et 30$ taxes incluses à la billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy, en compagnie de Creator, Huntress et Starkill, seront le 27 octobre prochain, qui est un lundi, à 19h, au Metropolis, au coût de 30 et 43 et 34 et 78, plus taxes via Ticketmaster, Carnival of Death, version 2014, mettant en vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, qu'on a entendu tout à l'heure, Pyrexia, Internal Bleeding, lundi le 3 novembre prochain à 18h, au Fofones Électriques, au coût de 22$ et 27$. Et n'oubliez pas que il y aura un spécial party d'Halloween au Rock Café Le Stage le samedi 25 octobre prochain. C'est SPM Productions qui présente le massacre de l'Halloween, party costumé qui mettra entre autres sur scène Fuck the Middle East, l'hommage à SOD, Satanic Glow Sniffer, Serial Killers, mais Serial, c'est C-E-R-E-A-L. Je trouve ça très drôle. Serial Killers qui fait un Green Jelly Tribute, Outlying et je ne sais plus qui. Donc, c'est le 25 octobre au coût de 10$. La chronique cinéma, ça sera tout à l'heure. On va continuer musicalement cette fois-ci avec un bloc que j'ai... Je vais séparer en deux sections parce que vous allez le trouver beaucoup trop long sinon. Dans la première section, on va entendre les formations Origin, une pièce tirée du dernier album, Omnipresent. On va entendre Decapitated, c'est paru la semaine dernière, une pièce tirée de Blood Mantra. Vraiment excellent cet album-là. Et une pièce tirée de Hour of Penance, qui est aussi la dernière parution parue cette année, soit Regicide. Et on reviendra en ondes après ça, parce que j'ai probablement des choses peu intéressantes à vous communiquer. Origin.

prends enfin le micro pour te faire entendre. Votre radio C'est fou est toujours à la recherche d'animateurs passionnés ou de chroniqueurs intéressés, intéressants. Donne-toi la chance de vivre une expérience radiophonique enrichissante et joins-toi à l'équipe de C'est fou. Pour plus d'informations, prog C'est fou à commercial uqta.ca ou visite le c'estfou.ca. Jeudi le 2 octobre prochain, 20h, le Nord-Ouest Café reçoit sur ses planches Clément Jacques pour un spectacle folk contemporain imprégné de country. En première partie, The Listen Bee Project. Prévente 10$, 15$ à la porte, plusieurs spéciaux sur la 50. Pour une soirée folk et blues, ne manquez pas Clément Jacques et The Listen Bee Project ce jeudi 2 octobre au Nord-Ouest Café. Fou de culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. h 28, vous êtes assez fou et vous êtes en réanimation. Hour of Penance avant cette pause publicitaire et la pièce de Seas of Light qu'on retrouve sur Regicide qui perd en 2014. Une excellente formation qui donne dans un métal conceptuel. Juste auparavant, nous avions une pièce tirée du très récent Decapitated, soit la pièce Blindness, cet album qui porte le titre de Blood Mantra. Paru la semaine dernière, on a ouvert avec Origin. Là aussi, c'est le dernier album de cette formation, Origin Omnipresent, qui est paru il y a quelques mois. Je devrais vérifier pour vous le dire précisément. Je vais le faire à l'instant, un instant justement. Origin. Omnipresent, il est paru précisément le 4 juillet dernier. C'est pas l'album que j'ai préféré au niveau de la discographie d'Origin. Par contre, je dois admettre qu'il y a quelques bons moments comme celui-là qui était Unattainable Zero. Côté cinéma, eh bien, j'ai vu des trucs intéressants, très intéressants. J'ai vu des trucs qui l'étaient beaucoup moins. Je vais commencer par ceux-ci. Un film d'horreur qui porte le nom de Kingdom Come, qui est un film signé par Greg A. Sager, que je ne connaissais pas, qui met en vedette Ry Barrett, Camille Outlet French et Jason Martorino, que je ne connaissais pas non plus, ni d'Adam ni d'Ève. Et je n'ai pas vraiment l'intention de les reconnaître et de les connaître non plus. Ce sont des huit ou neuf étrangers, je crois, qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique qui est désaffecté. Ils n'ont plus aucune mémoire, ils n'ont plus aucun souvenir plutôt de ce qui s'est passé avant de pourquoi ils se sont retrouvés là. Et ils ne se connaissent pas entre eux. Il n'y a pas vraiment d'issue pour sortir. Ils sont vraiment pris à l'intérieur de ce qui leur semble à être un hôpital psychiatrique d'après les installations qui sont laissées à l'abandon. Et ils sont à tour de rôle comme manipulés et tourmentés par un personnage très vilain, voire démoniaque, qui emploie des créatures qui ont l'air vraiment folles pour arriver à ses fins, de les monter l'un contre l'autre et ainsi de suite. C'est vraiment d'une platitude. J'ai donné un 2 sur 10 à ce film. J'aurais pu facilement lui donner un 0. Pourquoi 2? Simplement parce que j'ai trouvé que l'ambiance dans laquelle il se trouve, soit cet asile psychiatrique désaffecté, avait un certain charme psychotique. C'est à peu près tout, parce que les interprètes sont pas très bons. Quoique j'ai vu pire, je dois le dire. J'ai vu pas mal pire. Ils sont très ordinaires, disons. Et puis, c'est très, très lent comme film. Donc, Kingdom Come, là, honnêtement, je pense que vous pourriez vous en passer facilement. Un autre film qui m'apparaissait être intéressant d'après le contexte, c'est Cold in July, qui est un film de crime, de crime thriller, si on veut, qui met en vedette Michael C. Hall. Michael C. Hall, eh bien, reportez-vous à deux séries majeures dans lesquelles il a joué, soit Dexter et Six Feet Under. C'est un bon acteur et c'est ce qui me donnait le coup d'envoi de vouloir l'écouter. Et aussi que Don Johnson joue dans ce film un rôle quelque peu secondaire, mais quand même, on le voit être assez présent. Et pourquoi Don Johnson? Plusieurs personnes pourraient dire l'irrisible. Oui, j'en conviens qu'avec sa fameuse série des années 80, Miami Vice, c'était pas vraiment ça. Par contre, il faut se rappeler que Robert Rodriguez, Tarantino l'ont ramené dans certains films. Ils l'ont ramené entre autres dans Machete. C'est vraiment bon, Machete. Ils l'ont ramené aussi, Tarantino l'a ramené dans Django Unchained. Il fait, il n'y a pas un très grand rôle, mais c'est vraiment bien. Et je pense que c'est un acteur qui était campé dans un rôle assez quétaine, mais qui, dans les faits, est un bon acteur. Donc, bref, je me suis dit, ben, je vais écouter Cold in July, qui raconte l'histoire pendant une nuit d'été au Texas en 89. C'est basé sur un fait, semble-t-il, vécu, là. Je peux pas vous dire si c'était très romancé ou non, là. Et il y a une introduction dans une maison privée, celle de Michael C. Hall et de sa femme et de son jeune garçon. Et c'est un voleur. Il le prend sur le fait et le descend d'une balle dans la tête. Et il est entraîné, mais il est acquitté là au niveau judiciaire. Il est acquitté pour légitime défense et ainsi de suite. Les lois sont différentes aux États-Unis d'ici. Pour certains États, pour le moins. Et il décide de... En fait, il décide pas, c'est faux, il décide absolument rien. Il se fait prendre dans un piège criminel et s'enfonce peu à peu dans ce qui est une espèce d'expédition punitive, pour ainsi dire. C'est long avant qu'il se passe quelque chose. Honnêtement, faut attendre pratiquement les deux tiers, voire les trois quarts du film, avant qu'il se passe quelque chose. La dernière portion du film est intéressante parce que ça dégomme pas mal, puis côté action c'est quand même correct, mais c'est tellement long avant qu'il se passe quelque chose que moi je considère que une fin de film intéressante, c'est pas suffisant pour justifier qu'un film est bon. Donc, mais la fin est assez bonne, donc j'ai donné un 5/10. C'est disponible en Blu-ray, DVD, Cold in July. Si vous avez vraiment rien à faire et puis que la location est pas très chère, ben, allez-y, sinon on passe à autre chose. Une saison que je vais surveiller avec intérêt, c'est Houdini. Première saison de Houdini, ce personnage légendaire et mythique qui était un très célèbre illusionniste. Il s'est interprété par Adrien Brody. Adrien Brody, c'est un acteur très connu, mais qui encore ici est sous-estimé, qui a joué de très très bons rôles. Donc c'est une série que je vais pouvoir vous parler au fil des prochaines semaines. Ça risque d'être intéressant. Oui, c'est vrai, effectivement, j'allais faire une grave bévue, vous parler du seul vraiment bon film que j'ai vu cette semaine. Il s'agit de Sin City, A Dame to Kill For, qui est le deuxième volet de ce film réalisé par Frank Miller et Robert Rodriguez. J'en parlais tout à l'heure, Rodriguez. Le premier film était toujours signé de Frank Miller, Robert Rodriguez, et ça avait été vraiment une révélation pour moi. C'est l'anti-cinéma, si on veut. C'est une façon de présenter un film qui avait été jamais vu. C'est une bande dessinée, si on veut. C'est un comic, un cartoon, mais fait réel avec un travail de l'image qui est assez particulier, noir et blanc, avec certains éléments de couleur uniquement pour que ce soit percutant. Et c'est vraiment très surréaliste. Le premier avait été vraiment excellent. A Dame to Kill For est très bon aussi. Il met en vedette, moi, c'est un acteur que je trouve vraiment excellent, Josh Brolin. Il met en vedette Mickey Rourke, qui est vraiment très bon dans le rôle de Marv. Marv, c'est mon personnage préféré, cette espèce de grosse brute qui n'est pas si épaisse que ça. Et Jessica Alba, que l'on retrouvait dans le premier volet. Notez qu'il y a quelques caméos de Bruce Willis, qui joue le rôle de Artigan, mais à titre posthume et à titre de fantomatique. C'est bon. Il y a de l'action. Il y a de l'action crue. Il y a des scènes de violence parfois assez percutantes. Mais par contre, je n'ai pas pu lui donner plus qu'un 8 sur 10 parce que, Sensate a Damn to Kill For a certaines longueurs. Le personnage principal est malheureusement Nancy Callahan, qui est interprétée par Jessica Alba. Moi, c'est une actrice que je n'aime pas vraiment. Et ça tourne beaucoup autour de la vengeance qu'elle veut avoir envers un sénateur. Et les choses fort percutantes qu'on retrouvait dans le premier chapitre ont été quelque peu délavées. Ben, pas rien de dramatique, là, mais ça a un petit peu moins d'impact. Donc, c'est un très bon film quand même. On y retrouve beaucoup d'action, on retrouve quand même des choses assez surprenantes par moment. Surtout la part de Marv, qui est joué par Mickey Rourke, qui est un personnage assez violent. Mais 8 sur 10, je crois que ça ne peut pas dépasser cela. Le film que je vous propose de découvrir ou de revoir cette semaine est un film qui date de 1988 et c'est le deuxième chapitre de Hellraiser qui porte le titre de Hellbound, qui est un film qui est signé Tony Randall et Clive Barker. Clive Barker qui le maître à penser derrière l'ouvrage littéraire de Hellraiser. Le deuxième Hellraiser est selon moi tout aussi bon, sinon peut-être même meilleur que le premier. Ce sont des films de série B, il faut le savoir. Ce sont des films qui n'ont pas nécessairement un budget épouvantable comme on est habitué au grand Hollywood. Ce n'est pas axé là-dessus, ce n'est pas misé sur le gros budget, c'est misé sur l'ambiance qui s'en dégage. Et le deuxième Hellraiser, Hellbound, est excellent. Il est même peut-être plus tordu que le premier, qui portait le nom simplement de Hellraiser. Ça met en vedette Doug Bradley, bien sûr, encore dans le rôle de Pinhead, Ashley Lawrence et Claire Higgins, que l'on retrouvait aussi dans le premier. Ça mérite un 8 sur 10. C'est un excellent film d'horreur et c'est très original. Nous allons continuer. J'oubliais. Ce vendredi à Rock Classic, le Rockmaster et moi aurons évidemment une présentation de rock éclaté comme à tous les vendredis à partir de 11h. Mais nous recevons des invités spéciaux cette semaine qui sont Félix B. Desfossés, journaliste à Radio-Canada, et Ian Campbell, qui viendront nous entretenir de la sortie, le lancement de leur livre, L'évolution du métal québécois, qui sera lancé à Québec vendredi, cette semaine, et à Montréal, le lendemain, au Catacombes, soit le 11. Donc, nous les recevrons, je crois, vers 13h30. Ils vont pouvoir nous entretenir de ce livre qui, ma foi, est une très bonne idée. C'est un beau projet qu'ils ont mis à terme de nous raconter l'évolution du métal ici au Québec et peut-être beaucoup plus surprenant que vous le croyez. Donc, nous recevrons ces deux collaborateurs et journalistes ici à Rock Classic. En plus que de nos présentations, évidemment, habituelles. Mais cette semaine, nous faisons un spécial qui est consacré au métal des années 80. Pour la thématique, bien entendu. Ceci étant dit, la semaine prochaine, moi, je vous présente le nouvel album de Exodus. Oui, Exodus. Et je suis fort curieux de l'entendre parce que je vous dirai que je vais vraiment le découvrir possiblement en même temps que vous autres. Album qui sort le 10 octobre, c'est ce vendredi. Je vais être passablement occupé là en fin de semaine parce que j'irai d'ailleurs au lancement au Catacombes. Je sais pas si je vais avoir vraiment le temps de le découvrir en entier, mais bon, bref, on va le présenter. Blood In, Blood Out, ce mardi prochain, c'est je me rappelle plus, le 14, je crois, oui, voilà, le 14. On va continuer musicalement, cette fois-ci, avec formation que j'ai présentée la semaine dernière, M'Hat, et la pièce Preservation of My Immortal, qui est tirée de As We Create the Hope from Above. C'est vraiment un très bon album, et on va y aller aussi avec une pièce tirée du dernier album de Behemoth, qui est le sataniste, et la pièce est Ora pro Nobis et Lucifer. Go! l'émission tire à sa fin 20h51, pardon. En temps de Behemoth et la pièce Oprah. Je déparle complètement. Aura Pro Nobis Lucifer. Voilà. C'est tiré du dernier album de Sataniste qui, sous l'étiquette Nuclear Blast et Mahat et la pièce Preservation of My Immortal qu'on retrouve sur la plus récente parution As We Create the Hope from Above qui, sous étiquette Oral Attack Production. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, je vous présente un nouvel album de Exodus, Blood In, Blood Out. Ne manquez pas l'émission Rock Classic ce vendredi. Nous avons des invités spéciaux pour nous présenter le lancement du livre L'évolution du métal au Québec. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et nous avons un spécial le métal années 80. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser sur une dernière pièce qui est le Morbid Angel qui existe au Volgoy. Cette semaine, Gustave n'était pas avec moi. Il est parti en colonie de vacances. Oui, en plein automne, mais les fantômes, ça sent pas la chaleur ni le froid, donc ça s'en fout carrément. Peu importe la saison, ils vont en colonie de vacances. Il sera là la semaine prochaine, mais il m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Il m'a dit ceci. Allez tous vous faire foutre. Ciao.